fait, Don, je pense que la boucle, elle doit commencer, tu sais, sur... la boucle, elle doit commencer sur la mélodie, quoi. Je pense que la boucle, il faut le commencer sur le ré grave que tu fais avant d'attaquer la mélodie. Boum. C'est le boum. Le boum, si tu veux, le ré grave, là, il doit être sur le 1, quoi. Là, j'ai l'impression. Thank you. Thank you.